partition, Nathalie. Hey. Et depuis jusqu'à 18h, je l'entends. Colissimo Mondial, Colissimo Mondial. Les sacs à la main, c'est la chef adjoint, voilà son refrain. Colissimo Mondial, Colissimo Mondial, Colissimo Mondial, Colissimo Mondial. Colissimo Mondial, Colissimo Mondial. Fini les dévoyés, on cross dock. Colissimo Mondial, Colissimo Mondial. Ah non, ça, c'est du colis privé. Elle prend en charge le quai, Nathalie. Y'a un chauffeur qui lui plaît, Nathalie. Elle rigolait dès qu'il parlait, Nathalie. Et c'est pour ça que depuis elle me fait Colissimo Mondial, Colissimo Mondial, Colissimo Mondial, Colissimo Mondial. Colissimo Mondial. Annonce ça, c'est du colis privé.